cœur, surtout de mon épouse qui veut une solution. Ah, parce que c'est un problème, oui. Qui recherche une solution. Bon, ils ont les histoires d'appel de fonds là. Oui, quels sont ceux qui ont les problèmes de saisie? Quels sont ceux qui ont les problèmes de. Voilà. On arrive là. Il faut voir l'homme de Dieu. Voilà, il faut voir l'homme de Dieu. On n'a pas terminé de vous. Voilà. Dans ce rendez-vous là, ça se coûte combien? Et puis, je crois que c'est là où il a envoyé 250 000. 250 000 aussi. 250 000. Camden. Oui, on a donné l'avance ce jour-là, puisqu'on n'avait pas tout. Attends, séance maintenant, vous avez donné 100 000. Non, je crois que c'était. Si c'était donc 250 000, ça veut dire que nous avons donné 150 000. Attends, en allant au culte, là, vous avez l'argent pour 150 000. Ouais. Ou même partez où avait l'argent 150 000 dans le lieu de culte. Non, on n'avait pas 150 000. Moi, je pense que on n'avait pas l'argent là. Mais quand dans sa prédication là, il a fait ses appels de fonds là, c'était 100 000. Tu confonds. Bon, il a dit que quelqu'un, ceux qui vont donner 100 000. Quand c'était 100 000, oui. Quand c'était 100 000. Oui. Donc ça fait donc qu'on s'est enregistré. Oui. Pour ses 100 000 francs. Oui. Il a fait sa prière. Et il a, quand il a fait cet appel là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait. Ouais, okay. Oui. Beaucoup. Et il devait le rencontrer plutôt à la cathédrale de la foi. Non, il n'avait pas encore la cathédrale la foi. Okay. Il était encore à l'université, à soi. J'avais encore son petit truc là. Mm-hmm. Après, donc, il fallait aller honorer la parole. Mm-hmm. Nous sommes allés, elle et moi, on est allés donner les 100 000. À qui vous avez remis en toute Amérique? C'est en même propre que vous lui avez donné. Même propre. Vous allez saluer que monsieur, il vient vous donner l'argent. Ouais, nous sommes ceux-là et tout, qui ont été inscrits pour tel. Il a juste, il a pris ses 100 000, il a prié, il a fait une prière superficielle là, et puis. Il est vous de la demander. À l'époque, nous sommes encore, je suis encore bien aveugle sur la chose spirituelle. Je suis un peu entraîné. Ézéchiel. Qui ça? Un prophète nigérien. Non, finissons avec celui-ci. On passe à Ézéchiel. Mais si même Zacharie par la suite, même Malachie, on va y arriver. Restons ici. Et donc, comment. Après, vous êtes venu donner l'argent. Oui. À quel moment il a donné les déclarations à cette dame-ci? Bon, moi, je n'étais plus. Donc, elle n'est pas toujours pas derrière. Oui. Non. Il m'a donné rendez-vous de prière. Attends, après, lorsque vous donniez cette agence-ci. Il a dit que. On nous a même d'abord dit d'aller faire les prières à la plénitude là-bas. On partait, on a fait le jeûne, on partait en prière là-bas dans le cercle, on nous a mis dans le cercle. Il fallait aussi qu'on paye. Tu t'en rappelles, non? Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est vous avez payé là-bas. Candem. Donc, au bout de la prédiction, la fois, chaque personne qui venait vous dépouiller. C'est oui. Comme ça là-bas. C'est là où on a. Non, là-bas, on nous a. On a beaucoup dépassé. Beaucoup d'argent. Et donc. Alors, au rendez-vous maintenant, tu trouves Camden où? Au rendez-vous alors, Camden a dit que. Camden dit dedans. Oui, Camden. Le révélant de général. Où, là, maintenant? En ce temps, il était là général. Mais il était le capitaine. Non, il n'était pas au général. C'était... Non, il a dit que il faut que je passe là-bas parce que j'ai les prophéties. Dieu a en train de dire des choses. Que tu passes où? Là-bas. Le rencontrer. À soi, oui. À soi, chez lui, à soi. Je suis partie. Soit c'est la partie où il y a l'université de Yaoundé 2, la ville où il y a l'université de Yaoundé, la banlieue de Yaoundé. Et puis il a dit qu'il me donne les prénoms de mes enfants, et les dates de naissance, et tout, que je sache que le mois s'y mène. Tout. Oui, le mois. Nous sommes dans quelle année? 2017. Non, il dit ce moment où il te parle dans son bureau à le soir. Ça veut dire. Je crois que c'était 2008. 2010. À 2010 peut-être, dans cet intervalle-là. Oui. Donc il a dit que ce mois vous étiez là, dans ce mois-là. Oui, 2010-2011. Oui. Parce que je me rappelle que oui, c'était entre 2010-2011. 2010-2011. Là, tu es allé sans ton mari. Oui. Mais pourquoi tu es allé sans ton mari? Parce qu'il m'a donné rendez-vous. Mais quand vous étiez parti donner de l'argent, les 100 000, c'était pourquoi? Pour honorer tout simplement pour la feuille de fond. Oui, toujours pour honorer. Pour s'aimer, pour le sacrifice. Oui. Ok, maintenant, pour et là. Pour les vœux. Qu'on a fait un vœu, ceci, cela. Tout à ça, Dieu. Tout ça. Pour que Dieu vous voit ça en retour. Ok, maintenant, au bureau, dans ce bureau, donc, il dit Dieu a un prophétie, des prophéties. Il donne maintenant le nom de l'enfant, la date de naissance, que c'est moi là. Oui. Il y a deux enfants, les jumeaux. Prénom, premier nom, le garçon.

sur brevet. Autopsie dans l'église. Allô, Bedenos, il est temps qu'elle se relève. À tout le corps de Christ, Spidey vous parle encore. Encore et encore.